que toi. Toi et tes jeans troués et tes yeux. Et tes yeux. Qui n'existe pas. Quand tu t'endors dans le creux de mes bras, quand tu me dis que tu m'aimes tout bas, j'oublie toutes ces filles qui n'ont pas voulu de moi. Je n'aime que toi. Rien qu'une sieste avec toi. Où tu m'offres ton sourire. Esplanade cet après-midi. Allume ton pétard, et embrasse-moi. Quand tu t'endors dans le creux de mes bras, quand tu me dis que tu m'aimes tout bas, j'oublie toutes ces filles qui n'ont pas voulu de moi, car je n'aime que toi. Tu t'endors dans le creux de mes bras, quand tu me dis que tu m'aimes tout bas, j'oublie toutes ces filles qui n'ont pas